franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'assassinat d'Henri Curiel, le 4 mai 1978. Raconter la vie de cet homme mort pour ses idées, c'est traverser les décennies de l'après-guerre, celle de la décolonisation et de la lutte entre les deux blocs, c'est évoquer le tiers-monde et les mouvements de libération des peuples, les rêves d'indépendance et la répression qu'il provoque en Amérique latine, en Algérie, au Proche-Orient ou en Afrique du Sud. Raconter la mort d'Henri Curiel, c'est explorer les bas-fonds de notre 5ème République et des allées de plomb à la française, en tout cas en Europe, celle des milices du général et de ses héritières, des assassinats politiques et des actes terroristes. Henri Curiel, lui, n'était ni terroriste, ni bandit, ni espion, il était militant, communiste, anticolonialiste, trait d'union entre les peuples. C'est ce parcours qu'on assassina un jour de mai 1978. 40 ans après sa mort, et même après la publication de nombreux ouvrages, documentaires, entretiens sur sa vie, sur l'histoire des services secrets, après les confidences d'anciens hauts dirigeants de services secrets, mercenaires de ces mêmes services, les questions restent en suspens. Qui sont les assassins d'Henri Curiel? Pourquoi l'ont-ils tué? Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre les grandes lignes de la vie de cet homme mystérieux et engagé, retourner sur les lieux du crime, évoquer ses derniers instants et combats, et faire le point sur les pistes des assassins et des commanditaires. Après le récit, nous recevrons l'avocat William Bourdon, militant des droits de l'homme. Il défend depuis une dizaine d'années la famille Curiel dans sa quête de vérité. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Elisa Masse et Lucille Valéry. Programmation musicale Muriel Pérez. Réalisation Fabrice Lègle. À la technique aujourd'hui, Benjamin Lagatinet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter. Paris 20e arrondissement. Si d'aventure vos pas vous ont déjà conduit au Père-Lachaise, comme visiteur, vous avez certainement assisté à ce ballet étonnant de badauds et touristes venus saluer ceux, illustres ou inconnus, qui ont fait de ce lieu leur dernière demeure. Tombe après tombe, on passe d'un siècle à l'autre, d'une vie à l'autre, on retrouve à quelques mètres pour l'éternité des amoureux et des amants, des adversaires et des compagnons. Molière y a devancé La Fontaine, Simone Signoret y a retrouvé son montant, tandis qu'Adolphe Thiers fut installé à bonne distance du mur des fédérés. Spirituel ou non, c'est bien plus qu'une vie que les passants viennent saluer. Entre ces murs, sur ces avenues, s'écrit en effet le dernier chapitre d'hommes et de femmes devenus en leur temps des figures de la science, des armes, des arts, d'une république ou d'utopies oubliées. En 1972 et en 1979, ce sont deux pierres de la gauche révolutionnaire française que la foule a accompagnées ici même avec bruit et fracas. L'un s'appelait Auvernet, il était ouvrier, il est mort, assassiné dans une usine. L'autre se nommait Goldman, il était un intellectuel devenu marginal, tué en pleine rue à Paris. Deux vies parallèles qu'on érigea en mythe, deux assassinats dont notre mémoire garde le souvenir. Et pourtant, durant ces années de l'après-mai, d'autres hommes et d'autres femmes sont tombés sous les balles, pour raisons politiques. L'un d'entre eux repose dans la première division du cimetière, sur l'avenue principale, deuxième ligne, 15e rang à partir du boulevard, son nom, Henri Curiel. Il n'avait ni le physique d'un aventurier, ni la passion des armes, et pourtant c'était un homme à part. Petit, on le surnommait le lilas foudroyé, à cause de sa santé fragile que l'on surveillait comme le lait sur le feu. Quand il est devenu grand, il a gardé son corps amaigri et longiligne. Apatride, héritier, c'est aux côtés des opprimés qu'il a forgé son destin. Internationaliste étranger, il a vu une vie casanière et modeste. Clandestin et surveillé, il était connu des organisations de libération, comme des services secrets d'ailleurs. Ses amis et alliés venaient de pays divers, d'horizons lointains et parfois concurrents. Le jour de ses funérailles, le 11 mai 1978, ils sont quelques dizaines à avoir fait le déplacement pour venir le saluer une dernière fois. Il y a là des personnalités comme Jacques de Bubridel, président de France Terre d'Asile, Jean-Louis Hertz, au nom des résistants de la guerre d'Algérie, Henri Martin du Parti communiste ou Lionel Jospin pour le Parti socialiste. D'autres ont envoyé un mot, comme l'ancien président du Conseil, Pierre Mendès France, et Ori Avneri du Comité israélien pour la paix israélo-palestinienne, ou des fleurs portées au nom d'organisations de lutte d'Égypte, du Japon, de Palestine ou d'Afrique du Sud. Aux côtés de ces officiels, les inconnus, ceux qui ont rejoint ou suivi Henri Curiel au sein de son organisation Solidarité. Derrière cette structure semi-clandestine, une poignée de sans nom, sans titre, comme lui. Ils sont prêtres, jeunes communistes, syndicalistes, ouvriers, exilés. Ils ont participé pendant des années à cette aventure de soutien et d'entraide, prestataires de services auprès de différents mouvements de libération de pays du tiers-monde, contribuant à soutenir, relier et enseigner les règles et les codes de la clandestinité. Tous ces compagnons d'un jour ou d'une vie présents à Paris ou dans leur pays portent désormais son souvenir, ses combats, mais aussi les questions qui entourent sa mort. Pourquoi a-t-on assassiné Henri Curiel? Et qui? Bonsoir. Quant à savoir s'il s'agit de la mort d'une énigme, comme le dit le journal L'Aurore, ou bien que ce meurtre ferait partie d'une série d'attentats d'extrême droite pour déclencher un cycle d'actions terroristes dans notre pays, comme le dit Le Quotidien de Paris, il est impossible de dire ce soir où est la vérité et on peut même douter qu'on le sache jamais. Les bruits les plus contradictoires, vous l'avez dit, ont été entendus. Curiel, patron de Carlos. Curiel, chef de tous les réseaux terroristes internationaux. Et puis Curiel, agent du KGB à la tête d'un énorme réseau d'espionnage soviétique. Terroriste, espion ou père tranquille. Henri Curiel, fondateur du Parti communiste égyptien, a été assassiné par deux inconnus qui ont déchargé sur lui leur pistolet. Comme les gens de cet immeuble, je suis sorti de chez moi et en descendant l'escalier, il n'y avait rien. Sauf que effectivement, dans l'ascenseur, une personne venait d'être touchée par trois détonations, par trois balles. Henri Curiel est mort chez lui au 4 de la rue Rollin, dans le 5e arrondissement de Paris. Une rue à l'image de sa vie, dissimulée, discrète. À quelques encablures des arènes de Lutèce et de la montagne Sainte-Geneviève, c'est l'un des derniers quartiers de la capitale à avoir gardé des petites rues escarpées, courtes, sinueuses et silencieuses. Son appartement se situe en haut d'un petit escalier de quelques marches qui donne sur la rue Monge. Dans cet immeuble moderne, au cœur de la capitale mais à l'abri des regards, Henri Curiel vit depuis 1972 avec sa femme Rosette dans un duplex au 7e et 8e étage. Cet appartement, c'était son oasis. Il n'y apporte aucun dossier, n'organise aucune rencontre ou conversation liée à ses activités. Ses journées sont une longue succession d'habitudes. Vers 8h du matin, il quitte son domicile avant de dévorer le Herald Tribune, c'est la presse nationale. Puis il va à ses rencontres liées à l'organisation. Il revient souvent le midi avant de repartir pour poursuivre ses activités. Le soir, la journée finie, il retourne auprès de sa femme. Un livre toujours à portée de main, il s'adonne parfois à la télévision si un western est au programme. Ce 4 mai 1978, il quitte son appartement tôt, voit Joyce Blow, membre de son réseau, chez elle, rencontre Issam Sartaoui, un membre de l'OLP, au bureau de Joseph Agent, à Zan rue Malus. La réunion terminée, il rentre chez lui pour déjeuner. Après un sandwich rapidement avalé, il embrasse sa femme, puis descend par l'ascenseur pour aller à sa séance de yoga. Il sort ses clés de voiture et un carnet noir de sa poche. Arrivé au rez-de-chaussée, deux hommes l'attendent. L'un d'eux, Colt 45 à la main, tire à quatre reprises à travers la vitre du panneau gauche de l'ascenseur. Henri s'écroule, il est 14h02. C'est la concierge qui appelle les secours. À leur arrivée, ils découvrent Henri Curiel encore en vie, la tête inclinée sur la poitrine. En haut, Rosette, sa femme, n'a rien entendu. C'est un voisin qui sonne à sa porte et lui apprend qu'un attentat a eu lieu contre son mari, en bas de l'immeuble. Elle descend étage après étage. La police l'empêche de le voir. Alors elle téléphone à un ami pour le prévenir, puis on l'assoit sur une chaise alors que le médecin du SAMU poursuit le massage cardiaque. En vain. Il est 14h40, Henri Curiel est mort, assassiné. Une heure après le premier tir, le commando Delta revendique l'assassinat. À 14h, l'agent du KGB Henri Curiel, militant de la cause arabe, prête à la France qu'il a adoptée, a cessé définitivement ses activités. Il a été exécuté en souvenir de tous nos morts. Lors de notre dernière opération, nous avions averti. De quelle opération parle ce télégramme? Pourquoi caractérise-t-il Curiel comme un agent du KGB? Et qui est ce commando? Dès les premières heures, c'est la brigade criminelle qui est chargée de l'affaire. Après avoir recueilli les dépositions des riverains et le signalement de deux assassins qui ont pris la fuite, après avoir retrouvé les douilles des tirs, la brigade se penche sur la vie de la victime. Dans les bureaux du Quai des Orfèvres, on convoque les connaissances revendiquées ou supposées d'Henri Curiel. Parmi ces personnes, on retrouve Joseph Azan. C'est lui, président directeur général d'une société d'édition qui permet à Curiel d'utiliser une couverture, disons un emploi officieux, chargé de relations publiques au sein de son entreprise. Dans la vie officieuse, Azan est un ami de toujours, de tous les combats. Il est interrogé, convoqué, perquisitionné. Rosette Curiel, la femme de la victime, connaît les mêmes amabilités de la part des policiers. D'ailleurs, la victime n'est pas inconnue pour certains services de l'intérieur. Alors on en profite pour essayer de comprendre un peu mieux ses amitiés, ses activités. Côté presse aussi, billet après billet, les journalistes se perdent entre les rumeurs et les informations dont ils disposent sur Henri Curiel, accentuant un peu plus le mystère autour de l'assassinat. Le 5 mai, Rosette Curiel décide de sortir du silence et répond à un journaliste de télé pour mettre fin aux contre-vérités. Quand on dit qu'il était un des organisateurs de réseau, un ami de l'Armée Rouge... C'est aberrant. Il ne peut pas y avoir quelque chose de plus monstrueux et de plus faux que ça. Quand on dit qu'il avait rencontré Carlos, vous n'avez jamais vu Carlos, bien sûr. Lier ça, son nom à celui de Carlos, c'est salir sa mémoire. Carlos, c'est un être abject qu'on vomit, que je donnerais à la police si je pouvais le faire, et que mon mari aurait donné à la police s'il pouvait le faire. Et assimiler, arriver à dire qu'Henri avait des liens avec Carlos, c'est la dernière des abominations. Rosette a rencontré Henri en Égypte, où il est né. Jeune homme, il est un dandy de la bourgeoisie égyptienne aimant les femmes et les clubs. Son père est banquier, propriétaire de nombreuses terres. Son destin est donc tout tracé dans les pas du paternel, à l'abri du besoin. Rosette, elle, est une petite femme, brune et jolie, à la vie déjà bien remplie. Après des études au lycée français, un bac obtenu à Paris, une année à Londres, une licence en lettres à l'université américaine du Caire, elle fait le choix, original et courageux, de devenir infirmière. Rosette et Henri se rencontrent autour d'un thé, puis se revoient à l'hôpital où Henri suit un traitement pour un état pré-tuberculeux. Durant ses visites quotidiennes, elle le convainc de venir l'aider à soigner les paysans travailleurs des terres de son père. Il découvre alors la misère de son pays à quelques pas de chez lui. Durant ces années-là, dans une Égypte encore sous protectorat britannique, alors que le système colonial structure la société, un âne se loue plus cher qu'un homme, et les fouets sont encore de rigueur, même pour les enfants qui travaillent dans les champs. C'est durant ces semaines et ces mois qu'Henri entame sa marche pour l'émancipation des hommes, la fin des colonies et la domination impérialiste. S'ensuit un long chemin où il rompt avec ses origines bourgeoises pour lutter auprès des opprimés. En 1943, il fonde le mouvement égyptien de libération nationale, puis participe en mai 1947 à la création du Parti communiste égyptien. Ses orientations et actions politiques provoquent son arrestation, la perte de sa nationalité et l'expulsion de son pays en août 1950. Quelques mois plus tard, il arrive à Paris. En 1957, exilé et apatride, Henri rencontre Robert Barra, journaliste engagé contre la guerre en Algérie, qui lui présente Francis Janson, alors à la tête d'un réseau d'aide aux combattants algériens qui luttent pour leur indépendance, un mouvement lancé un an plus tôt. Henri Curiel y entre, se met à son service. Madame Didard Fosi-Rosano, qui était de tous les combats d'Henri Curiel, de la fondation du Parti communiste en Algérie, à l'aide aux Algériens en France, raconte les missions de ceux qu'on surnomma plus tard les porteurs de valises. Nous étions un groupe extérieur qui rendait des services ponctuels. Par exemple, la chose la plus importante a été, je crois, le transfert de fonds. C'était l'argent qui était ramassé auprès des travailleurs algériens en France, qui était transféré vers la Suisse. La deuxième grande activité que nous avions, c'était l'impression clandestine de Vérité pour, par exemple. Transfert de fonds, aide à l'impression, location de chambres sous pseudonyme, voilà le quotidien de ces hommes qui ont choisi d'aider les indépendantistes algériens. En octobre 60, le réseau est démantelé. Janson échappe à l'arrestation, contrairement à Henri Curiel et d'autres, condamnés et emprisonnés à Fresnes. C'est de sa cellule, presque 17 mois après son arrestation, en mars 1962, qu'il apprend la victoire du mouvement de libération du peuple algérien avec la signature des accords d'Évian. La même année, en sortant de prison, il fonde Solidarité. Son principe est simple. À l'image du réseau Janson pour le FLN, cette association semi-clandestine souhaite accompagner les mouvements de lutte en cours ou émergents en proposant des services d'aide et de formation. À distance et à Paris, l'idée est d'enseigner la base politique et l'organisation d'un mouvement de libération, comme l'explique Jean de Vanguède, cofondateur de Solidarité, dans l'émission Tabou en 1984. C'était une aide concrète, oui. C'est-à-dire qu'il venait toujours des demandes des mouvements. Et d'autre part, donc, elle se plaçait sur le plan de solution de tous les problèmes qu'ils pouvaient poser. Passeport papier, leur apprendre un certain nombre de techniques de la clandestinité. Ça, c'était un premier point. Un second point, c'était, lorsqu'ils le désiraient, de mettre en contact les mouvements entre eux, d'une part, et d'autre part, les mettre en contact, dans la mesure de nos possibilités, avec des gouvernements susceptibles de les aider. Solidarité, c'est donc une aventure internationale d'entraide de peuples du tiers-monde en lutte contre l'oppression impérialiste ou coloniale. Année après année, Solidarité se perfectionne, travaille avec efficacité, noue des liens durables, accompagne à distance les victoires et les défaites des mouvements de libération. À côté des luttes d'Afrique et d'Amérique latine, Henri Curiel travaille en parallèle pour un autre projet, celui de la paix au Proche-Orient. Juif, ni pour ni contre le sionisme, il est favorable au plan de partage des Nations Unies prévoyant la création d'un État palestinien aux côtés de celui d'Israël. Pendant des années, il tente de renouer les liens entre ces deux peuples pour permettre des rencontres et imaginer collectivement une paix durable. Après de multiples initiatives, négociations et discussions individuelles avec chaque camp, ses efforts sont récompensés. Un rendez-vous est acté entre Matti Peled, général de réserve israélien, et Issam Sartaoui de l'OLP. Ce sera pour la fin du mois de juillet 76. Mais quelques semaines plus tard, alors que l'entrevue secrète approche, le journal Le Point titre en une « Le patron des réseaux d'aide aux terroristes ». Cet homme, c'est Henri Curiel. La vie clandestine bascule alors dans la lumière. C'est une bien curieuse affaire que révèle cette semaine Le Point sous la plume de notre confrère Georges Suffer. Les milieux terroristes internationaux bénéficieraient en France de la complicité de réseaux clandestins. Des noms sont cités, notamment celui d'Henri Curiel, 62 ans, d'origine égyptienne. Mais Henri Curiel nie avoir la moindre responsabilité dans le terrorisme actif. Une réponse qui, de toute évidence, ne semble pas devoir satisfaire Georges Suffer, il l'a dit à Bertrand Vanier. Mais je maintiens tout de ce que j'ai écrit, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ce qu'il faut que je précise simplement, c'est que rien de plus que ce que j'ai écrit. Par exemple, on me répond, Curiel répond, je ne suis pas un terroriste. J'ai jamais dit qu'il était un terroriste. J'ai même précisé dans le texte que c'était un homme qui avait horreur de la violence. Je ne doute pas que les intentions aient été droites. D'ailleurs, je n'ai jamais dit le contraire. Je dis simplement que nous sommes en face d'un réseau de soutien des clandestins, que dans les clandestins, il y a des terroristes, et que parfois, on les aide en leur donnant des faux papiers, etc. Je n'ai jamais parlé d'autre chose. Quand l'hebdomadaire arrive dans les kiosques, Henri Curiel est à Deauville, dans la maison de Joseph Hazan, où il passe chaque année ses 2 semaines de vacances. Il lit les 6 pages de l'enquête menée pendant 3 mois par Georges Salbert, directeur adjoint de la direction du Point. En plus des erreurs factuelles sur les noms, les années, les fonctions, la propre vie ou sur Solidarité, il découvre que le journaliste l'accuse de favoriser le terrorisme et d'être un agent du KGB. Malgré le choc, ses amis démentent, mais ne vont pas plus loin. Curiel pense que ces accusations, mensongères, sans preuve, ne dureront que le temps d'un numéro. Surtout, il ne souhaite pas mettre en danger la visite prochaine des 2 délégués israéliens et palestiniens. Ces entrevues se déroulent de fin juillet à octobre 1976 à Paris, à Neuilly et dans la résidence du garde Pierre Mendès France, mis dans la boucle, et puis aussi dans des lieux tenus secrets que l'ami Joseph Hazan se charge de trouver. Henri Curiel, lui, ouvre chaque séance, accompagne chaque délégation, pointe les espaces de convergence et dédramatise les tensions. peu à peu, les délégations ouvrent le champ des possibles. Les quelques mois après ces rencontres, le 17 mai 1977, le Likoud de Menachem Begin remporte les élections, alors la paix s'éloigne. Henri Curiel vit sa dernière année. Il ne verra pas les accords d'Oslo entre Rabin et Arafat. Mais un jour, peut-être, dans chacun de ses états, une rue portera son nom. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui, le dossier Curiel. Chasse à l'homme en Allemagne fédérale pour retrouver les ravisseurs de M. Schleyer. Mandat d'arrêt international lancé contre l'avocat d'Andreas Bader qui pourrait se trouver en France. Hier, en fin d'après-midi, à Cologne, Hans Schleyer, le président du patronat allemand, rentre chez lui. Il est escorté par trois gardes du corps. Les terroristes interceptent sa voiture en plein centre-ville. Rafale de mitraillette. Hans Schleyer est enlevé. La police perd sa trace. Un peu plus tard, un coup de fil anonyme prévient qu'il sera exécuté si Andreas Bader, le trop célèbre extrémiste, et deux de ses compagnons ne sont pas libérés. Toutes les radios et télévisions ouest-allemandes ont retransmis ce soir un appel de M. Walter Scheel. Cet appel du président de la République fédérale allemande est destiné au ravisseur de Hans-Martin Schleyer. La voix posée, le ton ferme, M. Scheel invite ceux qui détiennent le patron des patrons allemands à le relâcher. Et dans un passage dont tout le monde a relevé la fermeté, M. Scheel dit textuellement ceci « Le monde entier de l'Est à l'Ouest est contre vous. Si la démocratie ouest-allemande a parfois enregistré des revers, elle sait aussi se défendre et résister au terrorisme. » Hans Schleyer est bien mort. Il a été retrouvé dans le coffre d'une Audi verte, immatriculée à Hambourg et stationnée dans une toute petite rue de Mulhouse, la rue Charles Péguy. À l'automne 1977, pendant plusieurs semaines, l'enlèvement puis la mort de Hans Martin Schleyer, représentant des patrons allemands, fait la une des journaux du monde entier durant plusieurs semaines. Le 24 octobre, quelques jours après le dénouement dramatique de cet enlèvement, l'hebdomadaire allemand Der Spiegel publie une enquête. Dans ses pages, la France est décrite comme un centre du terrorisme international. Et là encore, le nom d'Henri Curiel est cité. Il y est caricaturé, diffamé. Entre ces lignes, il devient un dirigeant de cellules armées, le coordinateur à Paris de 19 rencontres d'organisations clandestines, dont les séparatistes basques et les cadres des mouvements terroristes allemands. Deux jours plus tard, au 4 de la rue Rollin, à l'aube, deux policiers sonnent chez Henri Curiel. Sur ordre d'un double arrêté signé par le ministre de l'Intérieur, Henri Curiel est assigné à résidence. Il prend quelques affaires et part en direction de Digne, dans les Alpes de Haute-Provence. Mais il refuse désormais de garder le silence et il décide d'attaquer le journal. Il demande une requête en annulation de l'arrêté ministériel auprès des commissions de recours des réfugiés et apatrides. Durant ces semaines d'exil forcé loin de Paris et de ses proches, le 17 novembre 1977, il accepte de recevoir un journaliste de l'ORTF, Gérard Inné. Dans sa chambre de l'hôtel Saint-Jean, Henri Curiel, seul, assis sur une table, répond aux questions et aux mystères qui entourent son nom depuis un an. C'est, sauf erreur, le seul et unique entretien télévisé d'Henri Curiel. Il ne sera diffusé que 10 mois plus tard, le soir de sa mort. Aujourd'hui, vous êtes accusé, Henri Curiel, d'aide aux organisations terroristes et de fournir aussi des renseignements au KGB, aux services secrets soviétiques. Alors, ça, d'abord, il y a un peu incompatibilité. Ou KGB, communisme orthodoxe, et alors pas aide au mouvement terroriste, ou aide au mouvement terroriste, alors on est plutôt mal vu chez les communistes. Alors, il faut choisir. En ce qui concerne les terroristes, ce qu'on appelle vraiment les terroristes, pas les militants des mouvements de libération. Je sais qu'on qualifie facilement les militants des mouvements de libération de terroristes, c'est très utilisé. Enfin, pour moi, il y a une différence fondamentale. Alors, les mouvements de libération, si je peux les aider, je n'hésiterai jamais à le faire. Par contre, les terroristes, je me demande, je n'ai jamais dénoncé personne de ma vie, mais des fois, je me demande si je ne le ferai pas, tellement je considère que ces gens-là sont sinistres. En attendant sa libération, Henri Curiel passe l'hiver sur place, reçoit du courrier, la visite de proches, des coups de téléphone, mais il reste en retrait de ses activités habituelles. À Noël, il obtient l'autorisation de remonter à Paris pour les fêtes. Le soir du 20 janvier 1978, les renseignements généraux l'appellent et lui annoncent qu'il est libre. Quelles sont les raisons de cette libération? Quels étaient les éléments de preuve à l'encontre de Curiel? Il dort une dernière nuit sur place, puis rentre à Paris. Il passe ses dernières semaines, comme il l'a toujours fait, le Herald Tribune à la main, poursuit ses activités et ses rencontres, et se repose chez lui auprès de sa femme, rue Rollin, à l'abri, pense-t-il. C'est pourtant dans l'ascenseur de cet immeuble qu'il trouve la mort, le 4 mai 1978. 8 jours après, un élément nouveau est publié dans la presse. On apprend que l'arme utilisée pour assassiner Henri Curiel est la même que celle qui a tué, le 2 décembre 1977, Laïd Sebaï, le gardien de nuit de l'Amicale des Algériens d'Europe à Paris, dont la mort est également revendiquée par le commando Delta. Delta, qui est derrière ce groupe? S'agit-il de la résurgence de l'ancien bras armé de l'OS qui a fait rage durant les derniers mois de la guerre d'Algérie, ou d'une couverture pour cacher les véritables commanditaires de ce crime? Durant de longues années, l'enquête tourne en rond et les demandes des familles pour autoriser la transmission de documents administratifs afin de comprendre l'arrestation et l'assignation en résidence surveillée sont rejetées. Pour quelle raison? Eh bien parce que, selon les ministres de l'Intérieur de Valéry Giscard d'Estaing, la divulgation des éléments de l'avis de la commission de recours des réfugiés et apatrides contient, je le cite, « des éléments susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l'État ». En mai 1981, au changement de majorité, ces éléments sont divulgués. Et là, on apprend que les accusations sur les actions terroristes ne sont assorties d'aucune preuve, ni même d'un commencement de preuve. 3 ans après sa mort, l'honneur d'Henri Curiel est lavé. Gilles Perrault, journaliste, écrivain, a également permis de mieux connaître cet homme mystérieux que la presse accusa à 2 reprises des pires projets, le faisant tantôt chef d'un réseau d'aide terroriste, tantôt espion du KGB. Le livre de Perrault, Un homme à part, sorti en 1984, raconte en détail la vie d'Henri Curiel. L'Égyptien né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais devenu compagnon des opprimés du tiers-monde, ambassadeur de la paix entre Israéliens et Palestiniens, communiste orthodoxe qui ne fut jamais espion. Quand le livre sort, Gilles Perrault a encore l'espoir de connaître un jour les raisons et les noms des assassins d'Henri Curiel, comme il l'explique au micro de France Inter pour l'émission Tabou. Alors oui, je crois tout de même qu'un jour, les assassins seront découverts et qu'ils seront jugés. Et pourtant, l'enquête piétine. Il faut dire qu'elle a démarré très lentement. En 1978 et qu'on a l'impression que pour la brigade criminelle, au fond, il était assez naturel qu'un homme comme Henri Curiel soit assassiné. C'était un peu la même chose pour Pierre Goldman, autre assassiné de cette époque. On avait l'impression qu'à cette époque, des gens présentant ce profil, qui n'est pas orthodoxe, c'est évident, pour bien des raisons, c'était pas étonnant de les retrouver ensanglantés sur un trottoir. On ne peut pas dire que l'enquête de la brigade criminelle en 1978 ait été correspondu à ce qu'elle aurait dû être. Moi, je pense que quelqu'un finira par parler quelque part à un moment donné et qu'à ce moment-là, nous saurons la vérité. Après une enquête conclue en 1992 par un non-lieu, d'autres témoins entendus en 2000, puis de nouveau un classement sans suite en 2009... 6 ans plus tard, dans le livre « Le roman vrai d'un fasciste français » de Christian Roll, une voix venue d'outre-tombe déclare avoir tué Henri Curiel. Ce témoignage posthume, c'est celui de René Reciniti de Seis, mort en avril 2012, ancien mercenaire proche du service d'action civique Barbouze du Parti gaulliste. Christian Roll, l'auteur du livre, répond aux questions de Benoît Colomba sur France Inter concernant ce scoop. Au cours d'une conversation banale, il en arrive à me dire « c'est moi qui ai fait Goldman, c'est moi qui ai fait Curiel » dans l'ascenseur. Ce sont des Français qui l'ont exécuté. Il y a deux personnes qui s'occupent de l'exécution. Il y a un type qui surveille, qui fait le guet, et un autre qui ramasse les armes. Les armes qui auraient été prélevées à la préfecture de police dans le stock d'armes saisies sur d'autres affaires. Armes qu'on prend et qu'on remet après l'action. Alors, est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi il a assassiné Henri Curiel ? Il a dit que c'était dans le cahier des charges à l'époque. Il était un pigiste, comme on dit, des services. Les services français. Des services français. Alors, une commande de qui ? Alors, très directement, c'est à l'époque Pierre de Bizet. Le patron du SAC, le service d'action civique, la milice du parti gaulliste, quoi. Voilà, exactement, le patron du SAC. Ça passe par des intermédiaires. En tout cas, la commande est ferme. Il faut éliminer Henri Curiel. Pour quelle raison ? Alors, pour quelle raison ça, René, qui a 25 ans à l'époque, on lui a jamais donné les tenants, les aboutissants ? Il y a beaucoup de gens qui avaient intérêt à ce que Curiel disparaisse. Alors, dit-il vrai ou faux ? La piste des assassins français a été depuis longtemps imaginée par ceux qui ont écrit et enquêté sur l'affaire. Oui, mais pour quel drapeau ? Pour quelle raison aurait-on assassiné ? A-t-on assassiné Henri Curiel ? Son combat, ses relations pouvaient gêner en France, comme ailleurs, les pouvoirs et les États qui faisaient des combattants des libertés, c'est vrai, autant d'ennemis à abattre. Henri Curiel était l'un de ces hommes et c'est ce destin qu'on enterra un jour de mai 1978 au Père-Lachaise. Reste beaucoup de suppositions et de constats historiques qui ouvrent très large le champ d'investigation sur cette mort mystérieuse. Saura-t-on un jour ? I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles aujourd'hui, le dossier Curiel avec notre invité William Bourdon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes avocat au barreau de Paris, militant des droits de l'homme. Vous avez été pendant de longues années secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme. Et vous êtes depuis l'avocat de la famille Curiel. Comment êtes-vous entré dans le dossier déjà? Bon, écoutez, ça, c'est des choses qui tiennent à des rencontres. C'est la vie de l'avocat. Tout à coup, il y a des personnes d'origine très plurielle, diverses, qui vous font la bonté ou la faiblesse de susurrer, de chuchoter votre nom dans l'oreille de quelqu'un d'autre. Voilà, ça se passe en général comme ça. Donc, et puis en même temps, il n'y a pas une incohérence absolue dans le fait de l'avoir suggéré avec la trajectoire qui est la mienne, avec celle de mon cabinet. Il y a des choses dans l'engagement d'Henri Curiel auxquelles ce serait prétentieux de dire que je m'identifie, mais en tous les cas, il y a des passerelles, il y a un fond commun d'évidence, on va dire. Alors, avec ses activités en Égypte, puis en France, durant la guerre d'Algérie, au sein du réseau Janson, puis son action avec Solidarité, dont on a beaucoup parlé dans le récit, Henri Curiel est un homme très surveillé en France. Alors, c'est un des paradoxes de ce dossier. C'est que quand il est assassiné le 4 mai 1978, il y a presque 40 ans, il est très surveillé. Il le sait, on en parle. Mais on sait aussi, parce que l'histoire de l'humanité est pleine de séquences où ceux qui surveillent sont ceux aussi parfois qui tuent. Je ne suis pas en train de dire que j'ai la preuve de ce que j'avance. Je dis simplement qu'il y a une présomption sérieuse, on y reviendra. Sur les services secrets. Voilà, du fait que c'est dans la mouvance, dans la constellation très grande biodiversité, dans cette constellation très métissée, c'est dans cette constellation des surveillants de la vie et du destin d'Henri Curiel que se trouve très vraisemblablement le mobile et l'organisation et les modalités du crime qui l'a tué. Il en reviendra en effet sur la surveillance, donc appartement sur écoute téléphonique, c'est avéré. Il y a eu des démarches qui ont été faites par les juges d'instruction qui ont été saisis jusqu'au non-lieu de 1992, et les juges d'instruction se sont toujours heurtés à une grande difficulté, une double difficulté. Un, ils ont bien compris qu'il y avait peut-être des morceaux du puzzle qui pouvaient se trouver sous le couvercle des documents classés secret défense, et ils ont toujours échoué à obtenir la levée du secret défense. Faut dire qu'à l'époque, c'était d'un hermétisme absolu. Ça l'est encore un peu. Aujourd'hui, on a un peu progressé, pas suffisamment, mais en tous les cas, c'était véritablement très bétonné. Et on leur a opposé aux juges d'instruction que les comptes rendus des écoutes avaient été détruits. Donc les juges d'instruction ont, je pense, à l'époque, ont tout à fait mesuré qu'il y avait tous les parfums d'un crime, je ne veux pas galvauder l'expression, mais d'un crime d'État, en tous les cas d'un crime qui aurait pu être conçu par des agents de l'État, au sein de l'État. Donc tout ce dispositif-là de surveillance, les efforts qui ont été faits pour les tracer ont échoué. Ça ne veut pas dire qu'on est découragé de ne pas réessayer, mais en tous les cas, le réalisme oblige à dire que ça va être difficile. Sur cette portion-là, en tous les cas, de l'enquête. Est-ce qu'il en avait conscience, comment il le vivait d'ailleurs? Comment vivait-il? On ne peut pas parler de couverture, la maison d'édition, c'est pas une couverture, c'est une activité. Mais comment il vivait tout ça? Alors, de ce que ses proches ont pu vous en dire, hein, vous pas... Je peux pas répondre d'une façon très très très directe à cette question parce que je manque de, j'ai eu des éléments, des témoignages, la famille que je salue, Gilles Perrault qui peut-être m'écoute, que je salue aussi. Moi, je vois dans cet homme une une philosophie de vie, une espèce de karma intime que je retrouve dans d'autres, chez d'autres acteurs que je peux croiser en France ou ailleurs, c'est-à-dire une très solide détermination, une très solide conviction, une foi dans ce qu'on fait. Ben, la foi dans ce qu'on fait, ça ne veut pas dire qu'on soit naïf ou angélique et qu'on méprise le risque, mais c'est vrai que ça donne une espèce de force intérieure qui vous rend sans doute plus imperméable que d'autres destins. À la surveillance, à la diversité. Aux forces de l'ombre. Aux forces de l'ombre, surtout. Et aux forces de l'ombre. On ne voit pas arriver par définition. Voilà, ça peut aussi conduire à mésestimer parfois le risque. Mais en même temps, tous les grands combattants, la liberté à travers le monde, tous les grands résistants, quand ils ont eu face à eux, comme ça, toutes les forces de l'ombre, s'ils avaient été tétanisés par leur puissance nauséabonde et l'intimidation, ben, ils seraient pas devenus ce qu'ils sont. Bien sûr. Alors, il est assassiné sous Giscard. Enfin, quand je dis sous Giscard, c'est juste pour bien préciser la période, oui, en 78. C'est important de citer son nom. Et justement, il y a un changement, là, ça change la donne, le fait que le pouvoir giscardien arrive après le pouvoir gaulliste dans cette histoire. C'est très difficile de dire. Moi, je pense qu'il y a des hommes politiques, certains qui sont disparus, d'autres qui sont encore vivants, qui savent des choses. Sur, on va appeler ce petit catalogue comme ça de grands crimes d'État qui sont comme une espèce d'écho de la face noire de la Ve République. Ouais. Bon. Giscard d'Estaing, il sait forcément des choses. On peut imaginer qu'il ne parlera jamais. En tous les cas, la caractéristique de tous les chefs d'État, président de la République sous la Ve, jusqu'à Nicolas Sarkozy, c'est qu'aucun d'entre eux n'a manifesté, n'a dit quoi que ce soit pour témoigner d'une quelconque volonté, d'une quelconque détermination à avoir identifié les auteurs de ce crime. Jamais. Ça ne veut pas dire que les uns ou les autres étaient toujours au parfum, mais ça fait partie de cette espèce d'ambiance d'omerta très lourde qui pèse sur un certain nombre de crimes de la Ve République et de façon très caricaturale s'agissant du crime d'Henri Curiel. Et ça nous dit aussi beaucoup de choses de notre démocratie. Et de ses droits de l'homme. Alors, ça veut dire que dans le pays de Montesquieu, la séparation des pouvoirs a beaucoup souffert sur la Ve République. Et les coups de canif ont été très nombreux, jusqu'à même une période récente. D'ailleurs, à des bienfaits de l'arrivée de François Hollande, il n'y en a pas 36 000, donc au moins on peut se réjouir de celui-là. Moi qui fais sa campagne, moi, on peut se réjouir de ça. On a restauré l'indépendance des juges dans ce pays, même si c'est pas parfait, même si dans les corridors et les couloirs, il peut y avoir de temps en temps des tentations. Mais au moins, il y a cette indépendance. Donc aujourd'hui, il y a encore des barrages, puisque nous n'en sommes pas, on en dira un mot tout à l'heure à l'ouverture de l'information judiciaire, parce qu'il y a des problèmes techniques sur lesquels je dirai un mot dans quelques instants. Mais enfin, je pense qu'on aboutira à la réouverture à un moment donné de l'enquête. Et je pense qu'il y a une atmosphère, un environnement aujourd'hui, le temps ne s'écoule pas trop, et si Dieu prête vie aux survivants et aux témoins qui veulent bien parler, qui est plus favorable à la réémergence d'un certain nombre de vérités totalement enfouies. Je ne dis pas que ça va être facile, je ne dis pas que ça va être automatique, mais en tous les cas, il y a un environnement qui sans doute le potentialise un peu plus. Donc, ça viendra en complément de ma phrase de conclusion. Saura-t-on un jour, si je vous entends bien, on va tout faire pour savoir. En tout cas, il y aura une obligation de moyens. Alors d'abord, on n'a pas pour l'instant obtenu techniquement l'ouverture de l'information judiciaire. Ça a été accepté à Versailles sur la plainte de la famille Boulat, où là, des juges d'instruction ont été désignés. Moi, je considère qu'on est à peu près dans le même cas de figure, avec des éléments nouveaux, ceux que vous avez évoqués dans votre récit. Je peux dire aussi, sans faire des effets d'annonce à 2 euros, je peux dire aussi que nous avons commencé à recueillir d'autres éléments qui accentuent cette convergence vers le fait que ce crime a été commis par des agents de l'État ou à la frange de l'État, sans doute avec un sentiment de protection et d'impunité très fort, un crime très synchronisé, très organisé. C'est le jeudi de l'Ascension, on connaît ses habitudes, on l'a très bien préparé cet assassinat. Il est fait de façon extrêmement professionnelle et tout converge vers cette petite constellation de barbouzes, d'hommes noirs de la Ve République. Il y en a certains qui sont morts, il y en a d'autres qui vivent et il y en a certains qui, à mon avis, peuvent et devront un jour parler. Il est trop tôt pour dire quels sont les éléments nouveaux que vous avez pu recueillir. Je ne parle pas des noms. Non, il ne s'agit pas de donner des noms. C'est quoi la nature de ces éléments? Bah, il y a d'abord ces révélations que vous avez évoquées dans ce livre de Christian Roll, quand même, c'est pas rien. Et ça accentue en plus ce témoignage, cette confession post-mortem, il n'y en a pas 36, des confessions post-mortem recueillies dans ces conditions-là. Ça accentue et ça consolide l'hypothèse qu'il y a bien eu une association de malfaiteurs, c'est-à-dire véritablement un groupement de professionnels. Et puis depuis, nous avons été au contact d'un certain nombre de personnes et qui nous rendent un poil plus optimistes sur le fait qu'un jour, pour saluer la prophétie qui, j'espère, ne sera pas démentie de Gilles Perrault, eh bien, les auteurs seront identifiés et poursuivis. Dernière chose, c'est quoi les éléments, les obstacles techniques dont vous parliez ? Les obstacles techniques, c'est que il y a plusieurs interprétations pour dire si les ayants droit de quelqu'un assassiné comme Henri Curiel, alors que la procédure a été fait l'objet d'un non-lieu et ensuite d'un classement sans suite. Il y a plusieurs interprétations qui divergent au point de savoir si une charge nouvelle, ici nous considérons qu'il y a une charge nouvelle, des éléments nouveaux, des éléments qu'on vient de parler, peuvent permettre d'obtenir, d'aller directement au juge d'instruction. Et non pas par la case, qui est beaucoup plus contraignante et incertaine, du procureur général qui examine votre dossier, qui se gratte le cerveau pour savoir s'il doit saisir la cour d'appel. Enfin, une espèce de parcours de combattant que d'ailleurs la famille Boulin a fait à un moment donné dans cette quête de la vérité. Donc je ne sais pas si sur la porte qu'on a ouverte, ça va être cette porte-là, mais je suis sûr qu'on en ouvrira une autre, compte tenu de ce qu'on commence à avoir dans notre panier là aujourd'hui. Et je serais fier de pouvoir le faire pour la famille. Bien, William Bourdon, on va écouter une archive ensemble, un extrait de l'émission Apostrophe. Alors c'est un dialogue entre l'essayiste Guy Oppenheim et Georges Suffert, qui était allé vraiment très loin dans ses écrits en 79. Il se fait sévèrement épingler là, écoutez. On va parler d'une affaire précise, on va parler de l'affaire Curiel. Hein ? Faites donc. Comme vous le savez tous, enfin comme les téléspectateurs le savent peut-être pas, il y avait un monsieur qui s'appelait Henri Curiel et qui était un grand militant anti-impérialiste. Ce monsieur... Vous avez écrit un jour un article, qui était une ignominie, dans lequel vous avez expliqué qu'Henri Curiel était un agent du KGB. Vous savez ce qui est arrivé à Henri Curiel ? Après, il a été assassiné. C'est ça le métier de journaliste, c'est ça le métier d'informateur. Vous avez traité Henri Curiel d'agent du KGB, il a été assassiné, et encore aujourd'hui, vous n'avez jamais démenti ce que vous avez écrit. Le Spiegel a fait la même chose que vous. Eux, au moins, ils ont démenti. Georges Suffert, je vais vous répondre très simplement. Je crois que nous ne sommes jamais innocents de ce que nous écrivons. Pour moi, il n'y a rien à changer à ce que j'ai écrit et que j'ai une confiance considérable dans une vieille chose qui s'appelle l'histoire. Progressivement, les choses sortent et des tas de vérités commencent à apparaître. Comme ce soir. J'ai tout mon temps. Pour le moment, vous dites une chose et les événements viendront progressivement vous démontrer que vous avez tort. Vous pensez, William Bourdon, que cet article de Georges Suffert a eu un impact fort sur la suite des événements et sur la vie d'Henri Curiel et de ses réseaux ? Quel poids ça a eu ? D'abord, c'est un peu paradoxal d'entendre dans la bouche de Georges Suffert on n'est jamais innocent de ce qu'on écrit, alors qu'il en tire comme conséquence d'être irresponsable, d'ailleurs. Vous voyez, cette espèce de double salto. Faire un lien entre l'assassinat et les écrits absolument odieux de Georges Suffert, qui d'ailleurs était, comme vous l'avez relevé, plein d'inexactitudes. Ensuite, on a entendu à notre bout d'émission, il fait un peu péniblement et pathétiquement marche arrière. Moi, je trouve toujours horriblement dangereux de mettre à l'index quelqu'un sans preuve et de jeter en pâture à l'opinion publique quelqu'un. Alors qu'on sait que tout ce qui a été écrit a été une espèce de torrent de boue et de calomnie, jamais documenté, toujours accusé, toujours réfuté, c'est prendre le risque d'objectiver la cible, c'est prendre le risque de déresponsabiliser, de déculpabiliser ceux qui voudraient avoir à demander des comptes à tel ou tel. Et aujourd'hui, dans la période troublée où on est, quand on entend ici ou là des gens, y compris des pseudo-consciences, qui jettent à la figure des noms, qui évoquent cette idée atroce de personnages, de personnes qui deviendraient des traîtres à leur pays. Moi qui défends des déchus de la nationalité, je fais une parenthèse, des traîtres à leur pays. Il y a aujourd'hui toute une sémantique qui encombre une partie du vocabulaire politique dans le débat public, qui moi me donne froid dans le dos. Je trouve que on a le droit, on a même le devoir d'être féroce, d'être véhément, mais on a une obligation, s'agissant d'une personne qui était objectivement si menacé, qui était au cœur de tellement de controverses, à proportion de la situation d'Henri Curiel, on a une obligation de grande responsabilité quand on est journaliste, quand on est d'une conscience, avant d'écrire ce qu'il a écrit. Je ne dis pas que ça a armé le bras du criminel, mais en tous les cas, ça n'a pas aidé certainement Henri Curiel à bénéficier de la tranquillité qu'on lui a finalement confisquée. Puis après, il y a eu l'article du Spiegel avec voilà, les mêmes conséquences. Qui ont démenti. Hein. Voilà, qui ont démenti. Qui ont démenti. Alors, il faut, évidemment ne pas faire de comparaison hasardeuse dans ce genre d'affaires, avec l'histoire, ses ingrédients à un moment donné qui ne sont pas forcément les mêmes à un autre moment, mais moi je vois une certaine espèce de cousinage avec Ben Barka. Ben Barka, voilà un homme qui est un idéaliste, hein, qui est un idéaliste, qui est lui aussi un apôtre de l'émancipation des peuples. Il travaille pour ça, c'est un intellectuel, ça n'est pas apparemment un terroriste, pas un espion, et il est assassiné apparemment aussi par des officines d'État, de l'État français. Il y a une espèce de parallèle comme ça, entre ces deux consciences assassinées. Ah bah oui, il y a deux parallèles qui se croisent. Il y a le parallèle qui est incarné par celui qui va être la cible, c'est-à-dire d'être un formidable gêneur de la raison d'État, parce que ces gens-là étaient des grands gêneurs de la raison d'État. Ben Barka, on le sait, la raison d'État, c'est ce qui est au cœur de cette relation si complexe, si passionnelle et en même temps si souterraine entre Rabat et Paris depuis longtemps. Curiel, vous vous souvenez des mots qui ont été prononcés sur lui? Il avait poignardé l'armée française, il avait tout pour plaire, Henri Curiel. Il était d'origine juive, il était pro-arabe, il était communiste, il était pour le dialogue entre Israël et la Palestine. Oui, il avait une mosaïque pour susciter la haine qui était absolument gigantesque. Mais évidemment, à ce parallèle, il y en a un autre en miroir inversé. C'est les forces de l'ombre. C'est les forces de l'ombre qui ont été très actives dans une grande partie. Bien des écrits ont été publiés de la Ve République. Peut-être qu'on peut former des vœux pour que toutes les déclarations publiques qui ont été faites par ceux qui sont aujourd'hui en responsabilité d'éradiquer toutes les potentialités de mauvaises actions, d'utilisation des moyens de la République à d'autres fins que ce que nous attendons de la République soient respectées. C'est un sacré pari, parce que dans la période que nous vivons de menaces terroristes, oui, c'est vrai que ça réactive aussi, pas de façon massive, mais ça peut réactiver ceux qui considèrent à certains moments que la fin peut justifier les moyens. C'est le grand débat de notre protection et de nos libertés. Hein. Absolument. On va écouter, on va finir l'émission en écoutant, aussi pour lui rendre hommage, la voix de Gilles Perrault. C'est un grand monsieur, c'est un grand journaliste. C'est un formidable monsieur. On va écouter dans un extrait du documentaire Henri Curiel, un crime politique produit par la société Beau Travail, B.O. Travail, réalisé par Jean-Charles Deniau et Khaled Mella, où Gilles Perrault, justement, parle de l'enquête. La gauche avait fait des promesses. On ouvrira les dossiers. On cherchera les coupables. On les trouvera, on les punira. Et puis non, il y a eu des avancées modestes, mais toujours les services ont eu la possibilité de garder sous le sceau du confidentiel défense les pièces qui auraient permis de progresser vers la vérité. William Bourdon, une toute dernière question. Quand on a écouté Henri Curiel dans les récits, il y avait quelque chose de fort. Il disait « Je ne suis pas un terroriste et je condamne le terrorisme ». Vous vous souvenez de ça? Oui, c'est toutes les l'équation dans laquelle se trouvent aujourd'hui des grands résistants, des grands militants, sous toutes ces formes de la démocratie. C'est-à-dire que ce sont les mêmes qu'on veut terroriser en les affublant de tous les noms d'oiseaux, qu'on veut diaboliser, qu'on veut criminaliser, qu'on veut persécuter, pour leur faire perdre tout crédit. Ce sont les mêmes qui, en même temps, sont les plus inflexibles par rapport à ce qui nous menace. Merci en tout cas. Merci beaucoup, William Bourdon. Je vous en prie. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, le dossier Curiel, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, ce sera la fiction et elle sera consacrée à la grande Marlène Dietrich.